Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur CKRL qu'on s'intonise au 89.1 sur les ondes radio, une émission qu'on peut aussi écouter à ckrl.qc.ca sur la toile via vos téléphones, tablettes et ordi de tout acabit. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour de créations qui appartiennent et qui illustrent surtout à merveille l'univers des nouvelles musiques, aussi appelées musique actuelle, musique inclassable, ces musiques de recherche et d'expérimentation que nous proposent des compositrices et des compositeurs d'aujourd'hui. Ces musiques qui nous initient à l'usage d'un vocabulaire tonal, rythmique ou encore sonore vraiment inattendu, des musiques riches qui nous font ou bien très attentifs ou bien parfois sourciller au premier battement mélodique. Des musiques nouvelles qui font parfois débat, mais pour ce soir, je dirais, on s'en balance parce que l'écoute demeure le meilleur et sans doute le seul moyen de s'approprier ce monde sonore plutôt fascinant. Alors, je vous propose donc trois projets récents lancés au cours des derniers mois, projets issus de ces nouvelles visions musicales, visions actuelles que nous propose d'abord le jeune compositeur portoricain Gabriel Vincent avec son album intitulé Mural, le quatuor Bosini, avec un magnifique travail d'interprétation des œuvres du compositeur suisse Jörg Frey et l'ensemble norvégien Dans les arbres qui lançait l'automne dernier un bel album intitulé La danse du hibou. Un album réalisé depuis un concert en ligne enregistré en mars 2022 dans les studios de Morten Knid, un studio appelé Old Sound, je traduis évidemment, studio appelé Son du Hibou, studio situé à quelques kilomètres d'Oslo, sur un site qui a sans doute inspiré ces danses du hibou. Et pour se mettre dans l'ambiance, alors on écoute ensemble la création Un hibou, derrière laquelle on retrouve Xavier Charles à la clarinette, Ivar Gridland à la pédale steel guitare, Christian Wallenrode au piano préparé et Ingar Zack aux percussions. Alors, on écoute ça. Thank you.

Belle pièce tirée de l'album La danse du hibou, c'est de l'ensemble norvégien Dans les arbres. Ce hibou qui est à la source de nombreuses créations, une bête, un oiseau qui a inspiré de nombreux artistes, de nombreux créateurs. Le hibou rock de Jean-Paul Riopel, le hibou enchanté de l'artiste Inou Keno Yuak Haché Vaclé, le hibou gris. C'est une céramique de Picasso, le chant du hibou, titre d'une mélodie de Léo Ferré et d'un roman de Patricia Highsmith. On raconte que le titre du roman de Patricia Highsmith vient d'une superstition attestée par des personnages qui croient que le cri du hibou annonce la mort. Alors, qu'en est-il de la danse du hibou? Eh bien, je dirais que ça évoque, moi, je vais dire ça comme ça, ça évoque la venue d'un paysage sonore inattendu. Alors, on écoute cette fois un extrait de la création intitulée « Deux hiboux de l'ensemble dans les arbres » et c'est tiré de l'album « La danse du hibou ». Thank you. Je vous présente maintenant un aperçu des créations récentes d'un compositeur d'origine portoricaine qui a pour nom Gabriel Vicens, qui est aussi guitariste et artiste visuel. Il vit, travaille à New York depuis quelques années. Je le remercie d'ailleurs de nous avoir transmis ce projet franchement très réussi. Il s'agit de son 4e album studio, c'est intitulé Mural, un corpus de création qu'on associe habituellement aux musiques de chambre, mais vous verrez, on est du côté aussi des musiques nouvelles. On retrouve donc dans cet album l'exploration de courants novateurs inspirés, dit-on, par le sérialisme, le minimalisme, les univers de Webert et de Feldman. On raconte que l'album Mural est une exploration de la dissonance, des textures pointillistes avec de grands sauts d'intervalles, des silences prolongés avec des contrastes sonores plutôt dynamiques. Alors ça, c'est tout le langage de la musique un peu revisité. C'est vraiment bien dit. Alors, on écoute pour se mettre en appétit une création intitulée « Carnal », c'est tiré de l'album « Mural » du compositeur Gabriel Vicens. Magnifique dialogue ponctué de beaux silences. Gabriel Vicens, qui est aussi artiste visuel et qui raconte à propos de la relation qu'entretient le peintre avec sa musique. Alors, il dit ceci, j'ouvre les guillemets, « Je vois la musique de cet album à la fois comme une continuation de toutes mes œuvres précédentes et comme quelque chose de complètement différent. Comme pour mes œuvres visuelles, mes objectifs sont les mêmes lorsque je compose la musique. Soit créer quelque chose qui fonctionne dans son ensemble et qui évoque une sorte de réponse émotionnelle, mentale ou encore physique chez l'auditeur. Je referme les guillemets. Gabriel est un artiste originaire de Guaynabo, Porto Rico. Il est titulaire d'un baccalauréat en musique du Conservatoire de musique de Porto Rico. En 2022, il obtient un doctorat en art musical, en études d'interprétation du jazz à l'université Stony Brook. Il s'est produit en spectacle à travers le monde. Alors, on écoute une autre plage de ce bel album de Gabriel Vicens, intitulé Mural, création intitulée cette fois Sueños Ligados, et sur laquelle on retrouve la violoniste Adriane Munden-Dixon, la violoncelliste Rocio Diaz de Cosio et la pianiste, Mayumi Tsuchida. Alors, on écoute ça. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Création de Gabriel Vicens, une pièce intitulée Sueños Ligados, tirée de l'album Mural. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone. On se retrouve ce soir autour de nouveautés inscrites au registre des nouvelles musiques. Nouvelles musiques qui sont le fruit de recherches et d'expérimentations qui nous dévoilent l'originalité de compositrices et de compositeurs qui nous font un peu plus heureux au premier battement sonore de leur projet. Et c'est vraiment dans cet esprit que je vous présente cette fois beau projet musical du compositeur suisse Jürg Frey, compositeur qui est mis en lumière et merveilleusement interprété par le quatuor Bosini. Je reprends dans ces grandes lignes les notes d'accompagnement de l'album, j'ouvre les guillemets, le compositeur suisse Jürg Frey construit des paysages sonores majestueux et peuplés d'horizons de quiétude. Sensible au phénomène de l'écoute, ses créations sont d'une grande sérénité et d'un grand lyrisme, vous verrez, livrant une musique d'une apesanteur poétique tant est fondamentale chez lui, la recherche du silence dans le son. Je referme les guillemets, ce silence-là qu'on a pu apprivoiser avec Vicens. Alors, je vous fais entendre sans sans plus tarder une pièce intitulée « Quatuor à cordes numéro 4, le volet 1 ». On écoute le quatuor Bosini à l'interprétation. Thank you. pièce, toute en lenteur, tirée de cet album Quatuor à cordes numéro 4, une création de Jörg Frey, interprétée par le Quatuor Bosini. Ma musique raconte Jörg Frey est lente, parfois statique, passant souvent délicatement de l'arrêt au mouvement. Et pourtant, après plusieurs minutes, cette musique est arrivée à un autre endroit. C'est de cette immobilité que ma musique émerge et à laquelle elle revient presque toujours. Parfois, elle y reste simplement. C'est mon monde. Je referme les guillemets. Cet album est le fruit du magnifique travail de complicité entre le compositeur Frey et le Quatuor Bosini, dans lequel on retrouve Alissa Chung et Clémence Merkel au violon, Stéphanie Bosini à l'alto et Isabelle Bosini au violoncelle. Alors, on écoute cette fois un extrait du volet 5 du Quatuor numéro 4, longue pièce. Alors, ce sera un extrait. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'ensemble norvégien Dans les arbres, du compositeur portoricain Gabriel Vicens et du quatuor Bosini autour des œuvres du compositeur Jörg Frey qu'on écoute actuellement. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur toutes les belles plateformes pour acquisition. Pourquoi pas, c'est le temps d'encourager les artistes. Alors je vous signale que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain 21h pour une autre aventure sonore. On termine ça avec les sonorités musicales du quatuor Bosini inspiré des compositions de Jörg Frey. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.